Cercamun, quand Laura douce à Samarzis. Quand Laura douce à Samarzis, elle fuit la tchaïde sur le verjan, et l'auseil change en l'urlatis, et yeu, desai, suspire et chante, d'amour qu'em te lassate presse, qui au anc nous la guiem pouder. Las, qui eu d'amour nous n'ai conquis, masquant le trebail et la fan, ni reste en greu nous couvertis, cum fais ce qui au vau désirant, ni tals enveja non fai res, cum fais ce qui au nous posc aver. Per una gioia mes baudis fina, quand gren una mieitan, quand si ableis, si mes baïs, qui au nous le sai dire mutalan, et quand même vauc, veja le mes, que tout perda el sen, el saber. Toute la gent cercam vis, encontra lies, nous prêts un gan, quand tous les seigles brunesis, de là une île est si resplan, Dieu prégerai quand carlades, ou que la veja en art jaser. Tout traçai, les bras ne frémis, per s'amour, durmen ou veillant, tal paurai que au mes fallis, nous maus pesar comme la deman, mas servirai 12 ans ou 3, et puis est beleu sabran l'ouvert. Ni muer, ni vi, ni nougaris, ni mal num sen, et si l'ai gran, car de s'amour nous suis devis, nous sais si ja l'aurai ni can. Qu'en liegs est toute la mercès, qu'en pot surze ou décaser. Bel mes quand il m'en fouletis, em fai badar, em va musan, de liegs mes belles si mes carnis, gaba dereira ou derant. Qu'après le mal, me ven rabes, beleu, salieis ven a plaisir. Se il y a un vol, vol grand mouris, lo dia qu'em presa cuman, ah, hélas, tant suavet mausis, quand des amours me fait semblant, que tournat ma en tal deves, que nul autre nouvelle veser. Tout cousirus, menes jausis, car si la dubti ou la blan, per liei serai ou fals, ou fils, ou dressuries, ou plaisejan, ou toutes vilas, ou toutes courtes, ou trebalius, ou délésir. Mas, qui que place ou qui que pèse, elle en pot, s'il vol, retenir. Cercamundits, greu hercultes, homme qui d'amour se désespère.